La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. Vous êtes dans la malle de Sinbad, sixième épisode de l'autre côté du miroir. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous dans l'émission La malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami enivrer son tortionnaire pour finalement le tuer et débarrasser le merveilleux d'une de ses créatures spectrales. Plus tard, dans la ville des singes, Madinat al-Qurud, il avait su s'enrichir en provoquant les 10 singes à bombarder le sol de noix de coco. Commerçant avisé, il accumula un stock de qualité puis sut le négocier contre d'autres produits. Regardez-le troquer ses noix contre cannelle et poivre, acheter du bois d'aloès, romari, c'est-à-dire des îles Comores ou de Chine, employer des plongeurs pour aller dans les profondeurs lui chercher des perles plus grosses les unes que les autres. Il revit et retrouve Bassora plus opulent que jamais. Et pourtant, la pulsion du départ ne l'a pas quitté. Tapie dans les tréfonds de cet homo viator, l'homme qui voyage, elle attendait son heure. Partir. J'étais un jour parmi les jours, assis devant chez moi, lorsque passèrent ces négociants marqués par les fatigues du voyage. Ils me rappelèrent mes retours à Bagdad. L'émotion éprouvé à retrouver famille, compagnons et amis, l'allégresse d'être revenu dans mon pays. À leur vue, je me surpris à rêver encore à de nouveaux voyages qui me permettraient de commercer. Je décidai de repartir. Partir pour éprouver l'ivresse du retour, la dialectique de la nostalgie, la hanine et la watan, comme combustible du désir. Être ailleurs pour déguster un quelque part que l'on croyait épuisé et sans saveur. S'éloigner pour conquérir son foyer. Passer par là-bas pour se sentir ici. Il s'en alla, et bien sûr, son navire chavira, devenu le jouet d'une montagne, aimantant à elle les embarcations qui passaient à sa portée, avec la complicité d'un vent mauvais. Une île prédatrice, en somme. Prédatrice. Elle rançonnait les voyageurs malchanceux qui n'avaient su se maintenir à distance de ses griffes. En témoignent les amas de marchandises qui jonchaient sa plage. Les survivants n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient découvert une incroyable île au trésor. Le butin de l'île pirate défiait l'entendement et la mesure. Son joyau, sans conteste, était une rivière dont le lit scintillait de mille pierreries, un pactole. Oui, ce cours d'eau aux sables aurifères qui avait abreuvé Crésus. En l'espèce, cependant, aucun Midas ne s'y était lavé les mains pour rompre un charme mortel. Il y coulait le sang des bateaux venus se fracasser contre ce caveau pour capitaine. Plus haut, des essences ou de l'ambre tendaient leurs matières raffinées à ceux qui ne les vendraient jamais. En effet, là régnait le paradoxe du commerçant, qui n'avait qu'à puiser à pleine main dans des ressources inépuisables, intarissables, inextinguibles, alors même que la soif et la faim assaillaient les condamnés. Pas la moindre trace d'aliment, ni de boisson sur ce caillou maudit. Un enfer que n'aurait pas désavoué le roi de Phrygie. Nous devons boire et manger. Les vivres vinrent à manquer, les hommes succombaient les uns après les autres. Sinbad fut le dernier, par la grâce de son fourbe égoïsme, comble de l'ironie, de l'absurde ou de l'inversion. La rivière ne s'écoulait pas dans la mer, elle l'absorbait. Upside down, vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Caméra obscura, rideau. Scellons son destin avec le dernier extrait des Mille et Une Nuits. Alf Leila wa Leila, Dunkel Thum, L'Astre d'Orient, Kaukab Sharq, perle qui nous aura accompagnés tout au long de nos pérégrinations. ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا يا رب يا رب لا عمرك مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا مطرحنا سعيد أن سندباد البحر أكمل يقول طلع الركاب الذين نجوا على ذلك الجبل ثم إلى الجزيرة وانتشروا فيها وقد ذهلت عقولهم من ذلك وصاروا مثل المجانين من كثرة ما رأوا في الجزيرة من الأمتعة والأموال التي على ساحل البحر وقد رأيت في وسط تلك العين شيئا كثيرا من أصناف الجواهر والمعادن واليواقيت واللآلي الكبار والملوكية وهي مثل الحصى في مجاري الماء في تلك الغيطان وجميع أرض تلك العين تبرق من كثرة ما فيها من المعادن وغيرها ورأينا كثيرا في تلك الجزيرة من أعلى أنواع العود الصيني والعود القمري Vous écoutez La Malle de Sindbad sur le 100.0. Lorsque ce fut la 560e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sindbad de la mer, après avoir chargé ses marchandises, gagna le bord d'un grand navire. Nous quittâmes, poursuivit-il, Bassora et naviguâmes paisiblement de lieu en lieu et de ville en ville. Nous vendions, achetions et nous promenions dans ces régions inconnues de nous. Tout nous était favorable. Le voyage se déroulait au mieux et nous profitions agréablement de l'existence. Nous étions en mer, un certain jour, lorsque le capitaine du navire se mit à crier, puis à hurler. Il jeta son turban, se frappa le visage, s'arracha les poils de la barbe et se laissa choir sur le pont, consterné et accablé par le chagrin. Tous les négociants et les passagers l'entourèrent. Mais que se passe-t-il donc ? Nous avons perdu le cap. « Avons quitté la mer sur laquelle nous naviguions pour entrer dans une autre, qui m'est inconnue, et je ne sais vers où me diriger. Si Dieu ne nous procure pas le moyen d'en sortir, nous allons tous périr. Priez-le, exalté soit-il, d'assurer notre salut. » Il se releva, grimpa au grand mât dans le but de carguer les voiles, mais le vent forcit, et fit se dresser le navire sur sa poupe. Le gouvernail se brisa et nous fûmes poussés vers une haute montagne qui se dressait non loin. Le capitaine redescendit et s'écria « Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu le Très-Haut, l'immense. Nul ne peut fuir son destin. Par Dieu, nous allons à un danger terrible auquel nous ne pourrons échapper pour trouver le salut. » Tous les passagers pleuraient sur leur sort. Ils se firent leurs derniers adieux, ayant perdu tout espoir, persuadés qu'ils étaient arrivés au terme de leur existence et à leur fin prochaine. Notre bâtiment fut drossé à la montagne sur laquelle il se brisa. Son armature éclata et tous les passagers furent précipités à la mer. Certains d'entre les marchands se noyèrent, d'autres s'agrippèrent aux rochers et réussirent à se hisser sur la montagne. J'étais parmi eux. Cette montagne dominait une grande île sur le rivage de laquelle gisaient de nombreuses carcasses de vaisseaux fracassés. Le sable était jonché de cargaisons éparpillées là par les flots après que les bateaux qui les transportaient eurent fait naufrage et que leurs passagers se furent noyés. Il y avait là un nombre incroyable et inimaginable de marchandises, de richesses que les tempêtes jetaient sur l'île. Je pris pied et me mis à marcher. Je trouvai au centre de l'île une source dont l'eau douce jaillissait, élargissait son courant et disparaissait sous la montagne. Tous nos rescapés s'étaient répandus ici et là. Ils semblaient avoir perdu la raison, devenus comme fous au spectacle des biens et des richesses qui jonchaient le rivage. Je découvris que le lit de la rivière était tapissé de toutes sortes de gemmes, de brillantes paillettes de métal précieux, de hyacinthes, de grosses perles royales, de la plus belle eau. Toutes ces pierreries étaient parsemées comme du gravier sur fond du ruisseau et scintillaient de mille feux. Nous vîmes aussi sur cette île de riches essences d'aloès odoriférant, agaloche de Chine et calambac kumari. Une autre source, naissant très haut dans la montagne, charriait de l'ambre pur. Il fondait sur ses bords comme de la cire liquéfiée sous l'ardeur du soleil et se répandait jusqu'au rivage. Les animaux marins venaient l'avaler avant de replonger au fond de la mer. Ils le gardaient au chaud, dans les intérieurs, puis le rejetaient à la surface de l'eau, où il se solidifiait et changeait de couleur et de consistance. Les vagues le déposaient alors sur le littoral où il était ramassé par les promeneurs et les marchands qui en connaissaient la valeur et en faisaient commerce. Un ambre pur, d'une autre sorte, restait, lui, au bord de la source, et qui n'avait pas été avalé par des animaux, s'écoulait avec les eaux, puis allait se déposer sur le fond, où il se solidifiait. Lorsque la chaleur se faisait vive, il se liquéfiait et dégageait une odeur semblable à celle du musc. Mais, si le soleil venait à ne pas briller, il restait dur. Contrairement à celui du rivage, l'ambre pure était inaccessible, car nul ne pouvait atteindre le lieu où il s'épandait. Les montagnes environnantes étaient impossibles à escalader par quiconque. Nous ne cessâmes de parcourir cette île, émerveillés par les richesses exceptionnelles dont le Seigneur, exalté soit-il, avait pourvu. Mais, inquiet pour notre avenir, et saisi d'une grande crainte à regarder ce qui nous environnait, nous avions réuni quelques maigres provisions sur le rivage, nous en prenions soin et ne mangions qu'une fois par jour, voire tous les deux jours, hanté par l'angoisse de manquer de vivre et de mourir de faim. Chaque fois que l'un des nôtres rendait l'âme, nous procédions à sa toilette funéraire et l'enveloppions dans un linceul emprunté aux étoffes éparses sur le rivage. Beaucoup périrent et nous ne restâmes que quelques-uns, affaiblis par la dysenterie due à l'humidité marine. Après peu de temps, moururent mes camarades et compagnons, les uns après les autres. Ils furent ensevelis et je restai seul. Je n'avais plus que très peu de toute la nourriture réunie. Je désespérais de mon sort, pleurais et me disais « Pourquoi ne suis-je pas mort avant mes camarades ? Ils m'auraient lavé, enterré. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le Très-Haut et l'Immense. » Et l'aube, chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Lorsque ce fut la 561e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, au roi bienheureux, que Simba de la mer se retrouva seul dans l'île, après avoir enterré le dernier escapé du naufrage. Je décidai au bout de quelques jours, continua-t-il, de creuser profond ma propre tombe sur les bords de l'île. Ainsi, pensais-je, quand je sentirai mes forces décliner et ma faim venir, je m'allongerai dans cette fosse et y mourrai. Je laisserai le vent de sable recouvrir ma dépouille et m'enterrer ainsi. Je ne cessais de me reprocher mon peu de raison. Pourquoi avais-je quitté mon pays et ma ville pour entreprendre un nouveau voyage au loin après tout ce que j'avais enduré au cours du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième? Pas un d'entre eux qui ne m'ait fait affronter danger, malheur encore plus grand, plus éprouvant, plus terrible que le précédent. À chaque fois, je ne pensais pas en sortir indemne et trouver le salut. Quand me repentirai-je enfin et cesserai-je de reprendre la mer ? Je me mis à réfléchir en moi-même et me dis, par Dieu, il faut bien que cette rivière aboutisse quelque part. Où va-t-elle, après avoir traversé l'île ? La raison commande, me semble-t-il, de me construire un petit radeau où je puisse juste m'asseoir. Je le mettrai à l'eau et me laisserai glisser au fil du courant. Si j'arrive à m'en tirer, je m'en tirerai et trouverai mon salut avec la permission de Dieu, exalté soit-il. Si je n'y arrive pas, je périrai sur ce cours d'eau. C'est mieux que de mourir ici. Je soupirai, puis me levai et me mis à l'ouvrage. Je rassemblai des morceaux de bois d'aloès, de chine et romari, que j'attachai ensemble avec des cordages pris aux épaves échouées sur le rivage. J'adaptai sur l'armature ainsi obtenue des planches de même dimension, provenant de navires démantelés, et les assemblai solidement. Je fis mon radeau à peine moins large que ne l'était le cours d'eau. Je n'oubliais pas d'y entasser ce que je pus de paillettes de métal précieux, de gemmes, de ces grosses perles qui jonchaient le lit de la rivière comme du gravier. Je pris de tout ce qui se trouvait sur cette île, notamment du bon ambre pur. Je disposai convenablement ce que j'avais pu ramasser, ce qui me restait de provisions. Je mis le radeau à l'eau, après l'avoir muni sur les côtés de deux espèces de rames, puis me confiai au courant avec en tête les vers du poète. Quitte ce lieu où l'angoisse t'étreint et laisse la demeure annoncer la mort de qui l'a construite. Tu trouveras toujours d'autres terres que celle-ci, mais dame n'aura jamais une autre que la tienne. Ne t'inquiète pas de ce qui peut surgir au cours des nuits. Il n'est point d'infortune qui n'aille vers son terme. Là où il est écrit que la mort vous attend, on ne saurait mourir qu'à ce rendez-vous-là. Ne confie à autrui le chagrin qui t'habite. L'âme ne prend conseil ailleurs qu'en elle-même. Je me lançai donc sur mon esquif, soucieux de ce qui m'attendait. Je me laissai emporter jusqu'à l'endroit où le cours d'eau s'engouffrait, sous la montagne. Le radeau pénétra sous la roche et je fus plongé dans des ténèbres profondes. Le courant le poussa jusqu'à un passage si étroit qu'il se frottait contre les parois. Ma tête heurtait la voûte et je ne pouvais me dégager. Encore une fois, je m'adressai de reproches. Si ce boyau de peu de largeur dans lequel je me suis engagé se rétrécit encore, me disais-je, le radeau ne pourra plus avancer et je ne peux le ramener en arrière. Je vais sans aucun doute perdre la vie ici dans l'affliction. Je fus contraint de m'étendre à plat ventre car les parois se resserraient autour de moi. J'avançais sans savoir s'il faisait nuit ou jour, tant l'obscurité était épaisse sous cette montagne. J'étais saisi par l'épouvante et la terreur à l'idée que j'allais périr. Je continuai mon chemin. Tantôt, le torrent s'élargissait et tantôt, il se rétrécissait à nouveau. L'obscurité totale qui régnait en ces lieux m'épuisait de fatigue, au point que je sombrais dans un profond sommeil, étendu le visage sur les planches du radeau, qui ne cessa d'avancer tandis que je dormais, sans avoir conscience de rien. Je me réveillai enfin. J'ouvris les yeux. Il faisait jour, et je vis que j'étais à l'air libre, au bord d'un large plan d'eau. Mon embarcation avait été tirée au sol. Un groupe d'hommes, au teint noir, peut-être des hindous, m'entouraient. Lorsqu'ils virent que je m'étais éveillé, ils vinrent à moi et se mirent à me parler dans une langue que je ne compris pas. J'avais l'impression que je dormais toujours et que je rêvais, tellement j'étais oppressé, fatigué. Ils me parlaient donc, sans que je les comprenne et puisse leur répondre. Un homme sortit alors du groupe, s'approcha et me dit en arabe « Que le salut soit sur toi, frère. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce qui t'a conduit en ces lieux ? Ces champs et ces jardins nous appartiennent. » Et nous sommes venus les arroser, nous t'avons trouvé ici, endormi sur ton radeau. Nous l'avons saisi, tiré et amarré jusqu'à ce que tu te réveilles tranquillement. Dis-nous pour quelle raison tu te trouves ici. Je t'en conjure par Dieu, ami, apporte-moi d'abord à manger, je suis affamé. Je répondrai ensuite aux questions qu'il te plaira de poser. Il s'empressa de me servir un peu de nourriture que je dévorai. Rassasié, je me reposai, ma frayeur s'apaisa et je recouvrai mes esprits. Je louai le Seigneur, magnifié soit-il, comme il convient de le faire dans l'heure et le malheur. J'étais soulagé d'être sorti sain et sauf de la rivière et de me retrouver parmi ces gens. Je leur racontai par le détail tout ce qui m'était arrivé du début jusqu'à la fin et ce que j'avais enduré dans l'étroit torrent souterrain qui m'avait amené jusqu'à eux. Et l'aube, chassant la nuit, Shahrazad dut interrompre son récit. Vous écoutez La Malle de Sindbad sur le 100.0. Moribond, il a ressuscité. Où est-il arrivé? Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous vous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique, lors vous saurez ce qu'il advint de Sindbad l'audacieux marin. Ma salam. La Malle de Sindbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture.